Quelques fleurs pour un amour au premier jour d'un grand bonheur. Quelques fleurs pour bien penser au temps de s'aimer et de bien s'aimer en se laissant tout doucement monter comme une feuille au vent. Quelques fleurs pour un amour au dernier jour quand il se meurt. Quelques fleurs pour oublier qu'il faut se quitter et recommencer en se laissant tout doucement monter comme une feuille au vent. Une feuille au vent.